me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. À quoi bon la vérité ? Comment concevoir la démocratie comme un espace de raison ? Interroge la philosophe Claudine Tiercelin, alors que les sceptiques y voient un espace dans lequel on viserait le consensus et en aucun cas la vérité, dit-elle. Quelle est la relation entre la vérité et la croyance ? À l'heure des faits alternatifs et de ce qu'on appelle la post-vérité, Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, normalienne passée par Berkeley, qui a été enseignante et chercheuse à Paris et à New York, nous entraîne dans une grande enquête, à la fois en logicienne et en philosophe analytique, sur les relations que l'on peut ou non tisser entre trois concepts, connaissance, vérité et démocratie. Ces trois concepts, plus complexes les uns que les autres, rappelle-t-elle, forment aussi le titre de la série de cours qu'elle a donnée en 2017. Chaque cours est divisé en deux parties d'une bonne heure, dont nous vous proposons de très larges extraits. Nous poursuivons donc aujourd'hui son interrogation, et je la cite, de savoir s'il est aussi facile de soutenir que la vérité et la démocratie font bon ménage. De façon générale, demande-t-elle encore, avons-nous vraiment de bonnes raisons de préférer nous passer du concept de vérité au profit d'autres concepts comme ceux de rationalité, de raisonnabilité, de délibération raisonnée, de consensus par recoupement, etc. Quel modèle de rationalité est-on prêt à endosser ? Et quel rôle est-on prêt à accorder non seulement à la raison, mais dans l'espace des raisons, aux différentes sortes de raisons, entre guillemets, qu'elles soient théoriques, mais aussi pratiques, s'interroge-t-elle. Quelle place pourrions-nous vouloir accorder à la connaissance en démocratie ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions principales soulevées par Claudine Tiercelin, qui a choisi une approche normative, et elle s'en expliquera. Son cours est nourri de nombreuses et précises citations et nous découvrons en particulier, dans cette heure, les analyses de Michael Lynch et en fin de cours, je vous recommande l'apparition de Julien Benda dans la stimulante enquête de Claudine Tiercelin quand elle introduit ses réflexions tirées de la grande épreuve des démocraties, ouvrage publié en 1942. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 1er mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, la démocratie ou l'espace des raisons, deuxième partie. On peut au fond essayer de répondre à l'objection selon laquelle la démocratie ne serait pas donc un espace des raisons en réinvestissant au fond le concept Rawlsien de position originelle épistémique. Lynch propose d'imaginer la situation suivante. Vous voyez, donc, la démarche est très Rawlsienne. Nous voici chargés d'avancer des raisons qui permettraient de privilégier politiquement certaines méthodes épistémiques de formation de croyances plutôt que d'autres dans telle société W. Parmi les candidats possibles, on inclura des méthodes comme la déduction, l'induction, la perception sensible, la lecture dans les lignes de la main, la consultation des textes sacrés. Ce que nous enseigne cette petite fiction de la position originelle épistémique, c'est d'abord que même si l'on ne peut soutenir avec certitude, n'est-ce pas, qu'elle ferait émerger telle méthode plutôt que telle autre, il est peu probable qu'elle fasse émerger la méthode qui consisterait à s'appuyer sur la lecture des lignes de la main ou sur la consultation des textes sacrés. Et au fond, il y a dans cela quelque chose que rappelaient à la suite des philosophes des Lumières des penseurs comme Orwell ou Russell. La possibilité pour tout un chacun d'accéder par lui-même à des vérités objectives est la condition requise pour conduire sa vie et sa pensée à partir de sa propre expérience, de ses propres jugements. C'est la condition de ce que Russell appelle le respect de soi et de ce que la tradition rationaliste des Lumières a appelé « penser par soi-même ». Vous vous souvenez de ce fameux passage de 1984. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C'était son commandement ultime et le plus essentiel. Le cœur de Winston défaillit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion, aux arguments subtils qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il pourrait encore moins répondre. Et cependant, c'était lui qui avait raison. Ils avaient tort et il avait raison. Il fallait défendre l'évident, le bêta et le vrai. The obvious, the silly and the true. Les truismes sont vrais, cramponne-toi à cela. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau est humide et les objets qu'on lâche tombent vers le centre de la terre. Avec le sentiment qu'il posait un axiome important, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Si cela est accordé, tout le reste suit. » Ce n'est donc pas par hasard, comme le rappelle Rosa commentant ce texte, si Orwell choisit comme exemple de vérité des jugements arithmétiques, 2 plus 2 égale 4, et des jugements de perception, les pierres sont dures. Comme l'a fait remarquer le philosophe James Conant, ils ont pour point commun de pouvoir être légitimement assumés par tout un chacun, indépendamment de l'accord ou du désaccord de la communauté à laquelle il appartient. Une fois qu'un membre de notre communauté linguistique est devenu compétent dans l'application des concepts appropriés, perceptuels ou arithmétiques, ce sont deux types de jugements dont il peut facilement établir individuellement et par lui-même, la vérité ou la fausseté. Une fois qu'il a acquis les concepts appropriés et qu'il les a complètement maîtrisés, ce sont des domaines où il est capable de prononcer un verdict sans s'occuper de ce que devient, au sein de sa communauté, le consensus les concernant. Quand le verdict concerne par exemple quelque chose que vous êtes le seul à avoir vu, vous avez d'excellentes raisons a priori de vous fier davantage à votre propre vision de l'événement qu'à une version contradictoire parue, disons, dans le journal. Mais nous avons d'autres manières de répondre aux sceptiques. Nous pouvons toujours invoquer des raisons, de concevoir l'espace démocratique comme un espace de raisons, même si ces raisons sont pratiques ou et non théoriques. Elles n'en restent pas moins des raisons. Et si nous devons traiter les autres comme des agents dignes d'un égal respect, alors il faut nous engager dans le processus qui consiste à donner et à demander des raisons de ce que nous devons croire. Et les raisons que nous invoquons, du moins celles que nous invoquons sur la place publique, doivent provenir de méthodes qui ont en elles-mêmes un caractère démocratique. Là où nous ne donnons pas de raisons de nos croyances, ou bien là où nous recourons à des méthodes qui sont secrètes, isolées, réservées à quelques « happy few », nous risquons non seulement l'incohérence, mais nous risquons purement et simplement de sortir tout bonnement de l'espace démocratique. Cela étant, et même à supposer que nous ayons correctement répondu aux sceptiques qui refusent de considérer que la démocratie serait un espace de raison, ou encore, comme nous l'avons vu, qui soutiennent qu'il s'agit d'un espace dans lequel on viserait le consensus et en aucun cas la vérité, cela ne signifie pas naturellement que nous ayons levé toutes les difficultés. Et parmi celles-ci, il en est une dont on considère que Richard Rorty est le représentant paradigmatique, à savoir que l'on n'a guère montré jusqu'à présent en quoi l'espace démocratique exigerait de recourir à quelque chose qui apparaît surtout pour le moment comme une sorte de vérité transcendante, profondément mystérieuse. La seule chose qui transcende une pratique sociale, n'a cessé de marteler Rorty, c'est une autre pratique sociale. Et cela n'aide en rien de simplement dire que la vérité est ce que visent ces pratiques. Voici par exemple ce qu'il écrit dans « Universality and Truth », paru dans « Rorty and His Critics » 2000. « Je sais comment viser une plus grande honnêteté, une plus grande charité, une plus grande patience, une plus grande inclusivité, et ainsi de suite. Je vois la politique démocratique comme servant de tels buts concrets et faciles à décrire. Mais je ne vois pas en quoi cela aide d'ajouter la vérité à notre liste de buts, car je ne vois pas ce que nous ferons différemment si de telles additions sont faites. En conséquence, la question de la vérité, dit Rorty, est sans pertinence aucune en matière de politique démocratique, puisque, ainsi qu'il le dit clairement, je cite, « La prémisse fondationnelle de mon argument est que l'on ne peut viser quelque chose, œuvrer pour y parvenir, à moins de pouvoir le reconnaître dès qu'on l'a obtenu. Nous ne saurons jamais avec certitude si une croyance donnée est vraie, mais nous pouvons être sûrs que personne n'est encore en mesure de réunir toutes les objections résiduelles qu'on peut lui faire, que tout le monde s'accorde sur le fait qu'elle doit être entretenue. » Autrement dit, l'idée est la suivante, la vérité ne peut pas être la cible de nos pratiques de justification, pas être la cible, si vous voulez, de nos enquêtes, en quelque sorte, puisque nous ne pouvons jamais savoir si nos croyances sont vraies. Et une cible dont nous ignorons si ou non nous l'avons atteinte n'est tout bonnement pas une cible. En revanche, nous pouvons savoir si tout le monde s'accorde sur une croyance. Et donc l'accord ou le consensus est ce que vise l'enquête, non la vérité. Mais évidemment, il y a quand même plusieurs aspects curieux, comme ne manque pas de le faire remarquer Lynch, dans l'argument rortien. D'abord, pourquoi serait-il à ce point impossible pour moi de savoir avec certitude si mes croyances sont vraies ? Certes, l'argument sceptique pyrrhonien fait exploser toute tentative que nous pourrions faire à cet égard. Mais si tel est le scepticisme sur lequel, en définitive, s'appuie Rorty lui-même, alors il est encore plus curieux qu'il puisse ne serait-ce que penser que nous pouvons savoir avec certitude, à l'inverse, que tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faille entretenir telle ou telle croyance. Qu'est-ce qui permet à ce genre d'assertion d'échapper au doute intégral ? En vérité, pour la plupart des croyances dont je suis sûr qu'elles sont vraies, je ne suis pas du tout sûr que tout le monde s'accorde à penser qu'elles le sont. Après tout le monde, même si ce tout le monde ne s'applique qu'à tout ce monde dans ma culture ou même tout ce monde dans ma culture qui me ressemble et qui parle comme moi, cela fait quand même beaucoup de monde. Réussir à déterminer que tout le monde s'accorde avec moi, même s'agissant des croyances les plus banales, n'est pas une mince affaire. Mais naturellement, l'ironiste Rorty n'est pas le sceptique radical qu'il peut parfois donner l'impression d'être. La raison pour laquelle il juge impossible de jamais atteindre cette cible de la vérité, ce n'est pas pour des motifs sceptiques, c'est parce qu'il considère que la cible elle-même est au fond une contradiction en soi, une contradiction dans les termes. Invoquer la vérité, c'est, Rorty n'a cessé de dégrainer ce thème, n'est-ce pas ? C'est rester prisonnier d'une image métaphysique de la vérité extrêmement suspecte, de cette idée de l'esprit comme d'un miroir, de cette conception de l'homme selon laquelle nos pensées, lorsqu'elles sont correctes, seraient comme des miroirs de la nature. D'autres termes, Rorty pense que la conception de la raison et de la justification que je viens d'évoquer présuppose une conception classiquement correspondantiste de la vérité qui est tout à fait discutable. Il ne s'agit donc pas pour lui simplement de dire que nous ne pourrions jamais savoir si nos croyances correspondent au monde ou non, mais de montrer que c'est toute la notion de vérité comme correspondance qui est incohérente et parfaitement inutile. Comme nous aurons l'occasion de le voir, il y a sans doute là un argument plus intéressant et aussi, comme le remarque Lynch, plus plausible. En premier lieu, parce que l'idée de correspondance appliquée à la vérité, comme l'ont amplement montré ceux qui se sont penchés au XXe siècle sur les théories de la vérité, est en effet très difficile à soutenir, notamment pour des raisons contemplement mises en lumière des auteurs comme Frege, Russell ou Wittgenstein, qui tiennent au fait qu'il est très problématique, si vous voulez, de soutenir que la vérité est une relation entre des croyances, des propositions et des faits, conçus comme des entités autres que les objets et propriétés plus familiers qui peuplent notre environnement. Mais il y a plusieurs manières, comme nous le verrons, de contourner, justement, les difficultés que pose cette idée de correspondance associée à la vérité, sans quantifier sur des faits, et en acceptant peut-être certains des truismes qu'elle véhicule, comme le proposera par exemple Frank Ramsey ou certains pragmatistes. On peut aussi, comme le suggère lui-même Lynch, dans une veine qui n'est d'ailleurs pas tout à fait étrangère à Ramsey, penser cette idée de correspondance, somme toute banale, à la manière dont l'envisagent certaines théories contemporaines de la représentation mentale. Au fond, nos croyances représentent les objets comme ayant certaines propriétés, et la représentation elle-même comme une sorte de carte qui nous représente, n'est-ce pas, le paysage. Une représentation est exacte, entendons vraie, uniquement dans le cas, au fond, où elle est capable de cartographier le monde autour de nous, sans que ce monde soit pour cela un monde de faits, métaphysiquement mystérieux, mais bel et bien le monde de plaines et de collines qui nous est familier. Alors, c'est là une manière de concevoir la vérité qui n'est cette fois pas aussi facile à rejeter. Non seulement parce qu'elle repose sur une théorie de l'esprit qui s'accorde assez bien, finalement, avec ce que nous enseignent aujourd'hui les sciences cognitives, mais aussi parce qu'elle retient bien cette idée des théories de la vérité-correspondance, mais qui nous est aussi familière, à savoir que eh bien, des pensées vraies représentent le monde avec exactitude. Ce qui est donc contestable dans l'argument de Rorty, c'est que l'on n'est pas du tout obligé, en réalité, n'est-ce pas, de considérer que la pratique qui consiste à donner des raisons et à en demander vise à former des croyances vraies au sens de la vérité-correspondance. On peut parfaitement adopter une définition plus mince de la vérité, selon laquelle il n'est point besoin de métaphysique profonde pour comprendre ce qui fait qu'une croyance vraie diffère d'une croyance fausse. C'est un point sur lequel je reviendrai naturellement plus en détail. Mais pourquoi ne pas admettre que comprendre des croyances vraies, c'est simplement comprendre ce que font ces croyances, c'est-à-dire le rôle qu'elles jouent dans notre économie cognitive. C'est justement ce que propose Lynch, qui défend ce qu'on appelle une théorie fonctionnaliste de la vérité, et qui pense que des croyances vraies sont celles, au fond, qui jouent le rôle de croyances vraies. Et pour une très large part, ce rôle est objectif, en un sens très évident. Croire ce qui est vrai, c'est pour certaines choses être comme on croit qu'elles sont, par opposition à comme on espère, par exemple, qu'elle serait, n'est-ce pas ? Pour une autre part, ce rôle, vous voyez, dans cette conception donc fonctionnaliste de la vérité, consiste à servir de but dans nos enquêtes scientifiques et dans la vie de tous les jours. Les croyances vraies sont celles que, toutes choses égales par ailleurs, nous visons lorsque nous posons des questions et que nous y répondons. En saisissant donc bien le rôle que jouent les croyances vraies, nous saisissons du même coup le concept de vérité. La métaphysique n'intervient ici que lorsque nous demandons ce qui, au juste, joue le rôle de la vérité pour telle ou telle sorte de croyance, quelles propriétés, par exemple, telles ou telles sortes de croyances doivent avoir pour jouer le rôle de croyance vraie. Mais il importe bien de voir que cela n'interdit, n'est-ce pas, en rien, de soutenir que des croyances dotées de propriétés très différentes pourrait fort bien occuper ce rôle. Telles croyances peuvent jouer le rôle lorsqu'elles représentent avec exactitude le monde physique, mais telles autres pourraient jouer le rôle en question lorsqu'elles semblent être en cohérence, par exemple à long terme, avec d'autres croyances. Ce sont là, bref, toute une série de questions métaphysiques qui vont au-delà de notre compréhension ordinaire du concept de vérité. Et si on accepte une telle approche, eh bien alors rien n'empêche, en effet, de considérer que le concept de raison que nous avons évoqué pour définir l'espace démocratique des raisons serait en quoi que ce soit problématique, pas plus qu'il n'est en quoi que ce soit entaché d'une forme de métaphysique douteuse. Ce qu'il s'agit simplement de voir dans cette conception, dans ce concept de raison, c'est l'idée somme toute fort simple que justifier, donner des raisons, c'est chercher à former des croyances vraies et non pas à former des croyances dont tout le monde s'accorde à penser qu'il faut les entretenir. Car même si l'on s'en tient à une conception, vous voyez, très minimale, très mince ou fonctionnaliste du type de celle sur laquelle on s'appuie ici, cela implique que l'ensemble des croyances vraies et l'ensemble des croyances dont tout le monde s'accorde à penser qu'il faut les entretenir ne sont pas nécessairement les mêmes. Par quoi l'on voit aussi que dès que l'on entend la vérité en un sens plus minimal, on ne comprend plus bien pourquoi il faudrait renoncer à dire que nous cherchons à croire ce qui est vrai. Certes, si pour être vrai, une croyance doit toujours être comme le miroir d'un monde mystérieux, de fait radicalement indépendant de l'esprit, il y a lieu de s'interroger, mais on n'est pas du tout obligé de recourir à cette manière de voir les choses pour pouvoir parler tout simplement de vérité objective. Une croyance est vraie, au sens que je viens de définir, c'est-à-dire si et seulement si les choses sont comme l'on croit qu'elles sont. Et il devient difficile de comprendre pourquoi, indépendamment du scepticisme général dont on a déjà montré de quelle matière il était possible de répondre, on ne pourrait pas chercher à avoir des croyances qui soient précisément de cette nature. En vérité, on voit même mal comment on pourrait éviter de rechercher des croyances vraies au sens minimal du terme que l'on vient de préciser. Car lorsque l'on cherche à croire quelque chose, y compris que tout le monde s'accorde avec moi, pour reprendre l'expression de Rorty, on cherche à croire ce qui est, non pas ce qui paraît être. Et la raison évidente en est qu'il existe, j'aurai l'occasion d'y revenir, une relation étroite entre la vérité et la croyance. Croire que P, par opposition à espérer que P, ou craindre que P, ou douter que P, c'est simplement considérer qu'il est vrai que P. Ainsi, dans la mesure où je cherche à croire quelque chose, je cherche à croire que c'est vrai. Et ici encore, on peut parfaitement faire observer ce point sans se plonger dans les méandres d'une théorie représentationnaliste sophistiquée de la croyance. Tout ce dont on a besoin, au fond, c'est de cette platitude que croire une proposition, c'est la tenir pour vrai. Sans doute est-il utile ici de distinguer deux choses, et Lynch a raison de le faire, c'est-à-dire la fin, la valeur ultime qui régit une pratique et les visées plus immédiates qui sont justifiées à la lumière de cette valeur ultime. Première chose qui, aussi faible soit-elle, nous aide en quelque sorte dans la pratique à nous orienter. Et puis la dernière, bien, ce sont les buts pratiques que nous cherchons généralement à accomplir. En disant que la croyance vraie est ce que vise l'enquête, nous l'entendons donc comme une visée de l'enquête au premier sens du terme. Et l'on peut sans doute accorder ce point à Rorty, qu'au fond, un chercheur individuel a rarement à l'esprit, de façon consciente, n'est-ce pas, quelque chose d'aussi sophistiqué que la vérité, comme visée consciente. Et même lorsque c'est le cas, il est rare qu'il puisse accomplir cela directement. En général, nous cherchons toujours à viser, nous cherchons plutôt à parvenir à la vérité de manière indirecte, en recherchant, par exemple, un certain nombre de preuves empiriques qui nous procurent des raisons de croire. Mais que ce soit indirect ou non, ce qui meut quand même toute notre entreprise, donc de manière consciente ou inconsciente, c'est bien la vérité, et c'est ce qui la distingue de la simple poursuite de ce qui ralliera d'autres personnes à notre cause ou de ce qui flattera nos opinions. Les raisons de croire, j'y insiste encore, sont bien des raisons parce que ce sont des moyens de parvenir à cette fin ultime qu'est la vérité. Aussi la justification, le fait de donner des raisons, sont-ils distincts de la vérité précisément parce qu'ils sont un moyen d'y parvenir. Parfois, Rorty semble concéder ce point, mais il pense en définitive que tout cela se ramène pour finir au fait que vrai à ce qu'il appelle un usage de précaution. Nous employons ce mot de cette manière, dit-il, pour nous rappeler à nous-mêmes que ce qui peut être justifié pour une audience peut ne pas l'être aux yeux d'une autre, pour nous souvenir qu'il pourrait y avoir des objections qui ne sont venues à l'esprit de personne. Bon, sans doute, cela est-il bon de le rappeler, mais seulement parce que certaines de ces objections pourraient se révéler justes et que notre propre approche pourrait se révéler fausse. Et admettre que nous puissions nous tromper, c'est admettre aussi que ce que nous croyons est bien le cas et que ce que nous pouvons justifier auprès d'autrui, comme étant le cas, ne l'est pas toujours, ou du moins pas nécessairement. Mais en vérité, ce n'est pas tout à fait comme ça que Rorty pense les choses. Pour lui, au fond, lorsque nous justifions, si vous voulez, les conceptions politiques qui sont les nôtres, lorsque nous argumentons en faveur, par exemple, du droit de personnes du même sexe à se marier, nous ne devons pas essayer de nous voir comme des individus qui sommes en train de chercher des arguments en faveur de ce qui est vrai. Il faut plutôt dire que lorsque nous utilisons des arguments qui font appel à des droits, nous devons nous considérer, nous identifier à ce qu'il appelle une communauté de personnes de mentalité similaire, celles qui trouvent naturel d'agir de telle façon. Le problème, comme le note Lynch, c'est que demain étant un autre jour, nos amis de même mentalité, aujourd'hui, peuvent ne plus l'être demain. Et peuvent même se mettre à penser qu'il est plus utile de croire que nous devrions commencer à restreindre les livres que l'on lit ou les idées que l'on pense. Et si tel est le cas, ils seront justifiés, au sens de Rorty, à cesser de parler de droit. Cela ne nous permettrait plus alors d'exprimer notre solidarité, et ce serait assurément tragique, comme le penserait Rorty. Mais au fond, voilà tout. Au fond, ce ne serait pas faux, il n'y aurait rien de mal à ça, si ce n'est au sens où on ne serait pas d'accord avec cela. Alors, le problème est que cela n'est pas vraiment ce que nous avons à l'esprit en général lorsque nous parlons de droit, ni même chaque fois que nous proposons des arguments en faveur de nos convictions politiques, qu'elles mettent en jeu des droits ou non. Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, Vérité et Démocratie. Aujourd'hui, la démocratie ou l'espace des raisons, deuxième partie. Bien, nous avons vu en commençant que les objections adressées à la thèse selon laquelle la démocratie serait un espace de raison venaient de deux camps possibles. Nous avons vu que ces objections pouvaient être contrées. Et ce qu'elles révèlent aussi, comme le dit Lynch, c'est quelque chose à la fois d'intéressant et tout de même d'un peu préoccupant. Savoir que, quelles que soient leurs différences, les positions théoriques, aussi différentes soient-elles, donc, ont des ressemblances frappantes. Et cela devrait attirer notre attention, non seulement parce que ces positions sont intenables, mais parce qu'elles sont le signe que quelque chose de grave s'est produit, au fond, puisque des extrémistes des deux bords finissent par tomber d'accord, tout en continuant à insister sur leur désaccord. Il est par exemple frappant que les positions du libéral de gauche qu'est Rorty finissent par rejoindre à mains égards les positions des sceptiques conservateurs que nous avons évoquées pour commencer. Pour ces derniers, la raison s'incline et la foi prend le dessus. Nous n'avons pas de choix, sinon d'accepter dogmatiquement nos premiers principes traditionnels en admettant que nous n'avons pas de raison indépendante de la tradition de penser qu'ils sont plus vrais que des principes rivaux. De la même manière exactement, Rorty, honnêtement et bravement, décrit sa position comme un joyeux ethnocentrisme et remarque que, je cite, « n'y a rien dans mon usage du terme de raison qui ne pourrait être remplacé par la manière dont nous autres libéraux occidentaux, héritiers de Socrate et de la Révolution française, nous conduisons. Je suis d'accord avec McIntyre et Michael Kelly pour dire que tout raisonnement, que ce soit en physique et en éthique, est pris dans les raies de la tradition, tradition bound. » Alors, sans doute, Rorty protesterait-il et ferait-il remarquer qu'à la différence des sceptiques conservateurs, il ne soutient pas que l'on puisse effectivement savoir par la foi que ces traditions libérales sont vraies. Mais avouez qu'il s'agit là d'une protestation assez faible si l'on doit admettre l'idée que la raison n'est qu'un autre mot pour accepter par la tradition dans laquelle je vis. Faible protestation, parce que, comme Rorty aimait à le dire, en grand lecteur des pragmatistes, une distinction qui ne fait pas de différence n'est pas une distinction du tout. Et on voit mal la différence pratique entre une défense de la tradition qui repose sur la foi et une défense de la tradition qui repose, mon Dieu, sur quoi ? À vrai dire, rien. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons renoncé à la poursuite de la vérité, menée dans un esprit d'ouverture, nous avons renoncé à la raison, nous avons renoncé, pourrait-on dire, comme le dit fort justement, je trouve, Michael Lynch, à la démocratie. En proposant une lecture comme celle que je viens de faire, à la suite de Lynch, je n'ai évidemment pas la prétention de penser qu'elle ne soulève pas des interrogations et bien sûr, elle-même, quantité d'objections. Plusieurs points restent naturellement en suspens qu'il nous appartiendra précisément tout au long du cours d'élucider. Le premier concerne la question de savoir s'il est aussi facile de soutenir que la vérité et la démocratie font bon ménage. Il nous faudra donc revenir de plus près sur les arguments invoqués par Arendt, Rawls ou encore Habermas et sur le bien fondé ou non des motifs qui leur font préférer substituer au concept de vérité en politique ceux de rationalité ou plus encore de raisonnabilité. Comme on le verra, chez ceux aussi que l'on présente souvent aujourd'hui comme de grands inspirateurs d'une conception forte et originale de la démocratie, par exemple chez un auteur comme John Dewey, à la différence de ses compatriotes pragmatistes Charles Peirce ou William James, le terme de vérité disparaît purement et simplement au profit de celui d'acceptabilité garantie. Dewey a-t-il ou non de bonnes raisons de le faire ? Et est-ce que cet oubli ne serait pas le signe par hasard de quelques défauts assez dérangeants dans sa propre conception de la démocratie? C'est un point que j'essaierai d'analyser. De façon générale, avons-nous de vraiment bonnes raisons de préférer nous passer du concept de vérité au profit d'autres concepts, donc comme ceux de rationalité, de raisonnabilité, de délibération raisonnée, de consensus par recoupement, etc. C'est là, vous vous en doutez, vraiment un point crucial qu'il nous faudra aborder. Mais comme on le verra aussi au passage, et cette fois pour des raisons qui tiennent plus, au moins en partie, à l'histoire même de la démocratie, et en particulier à l'impossibilité de faire que l'unanimité prévale et à la nécessité qui en découle de lui substituer, ainsi que le rappelait Sieyès, la règle de la majorité, certains grands théoriciens de la démocratie, et c'était le cas par exemple de Hans Kelsen, ont eux aussi considéré qu'il fallait sur ce point adopter une position de neutralité ou purement procédurale. Une deuxième série de questions a trait évidemment à la question de savoir, et que soulève aussi Michael Lynch, ce que nous entendons au juste lorsque nous considérons que la vérité est inséparable de l'idée même de démocratie. Comme le montrent assez clairement certains, l'une des raisons pour lesquelles le concept de vérité semble ne pas faire bon ménage avec celui de démocratie ou de politique tient au fait qu'on l'entoure, comme c'est le cas chez Arendt, d'un certain platonisme, ou qu'on le réduise, comme nous venons de le voir, au sens qu'il revêt, notamment dans les théories de la vérité-correspondance, ou encore que la vérité s'inscrirait essentiellement dans l'ordre des vérités de raison, mais pas des vérités de fait, pour reprendre la distinction qui n'est pas entièrement dénuée elle-même de confusion que propose Arendt dans Vérité et politique. Il me semble qu'il y a en effet deux manières déjà, donc au moins déjà, d'envisager de répondre à ces détracteurs. La première, dans le prolongement donc, vous voyez, des propositions évoquées par Michael Lynch, c'est de suggérer que l'on peut sans doute repenser le concept de vérité différemment, mais que l'on n'est pas non plus obligé de l'entendre en un sens minimal, comme certains le proposent, dans certaines approches minimalistes, voire déflationnistes, de la vérité. Qu'il est possible notamment, sans lui donner nécessairement un visage humain, ainsi que je l'ai jadis montré en critiquant sur ce point l'approche que proposait de suivre Putnam, en réponse notamment aux insuffisances de la position rortienne. Plus précisément, même si l'on doute qu'il soit possible, comme le suggèrent la plupart des pragmatistes à la suite notamment de William James, de donner un visage humain à la vérité, ne peut-on proposer une autre voie qui serait mieux à même, pour parler comme Frank Ramsey, de produire une autre logique humaine de la vérité? Mais il y a une deuxième manière, sans doute plus naturelle, au fond, de répondre aux négateurs de la pertinence que pourrait avoir la vérité en politique. Et c'est en un sens celle que suggère aussi Hannah Arendt elle-même, et que vous retrouvez évidemment présente chez Orwell, lorsqu'il insiste sur la valeur de l'homme ordinaire, par opposition à l'intellectuel de pouvoir, qui juge l'attitude libérale désuète ou sentimentale, et l'homme ordinaire qui s'accroche aux faits et à la probité, chose qui structure toute la pensée d'Orwell, et qui s'exprime dans cette page justement célèbre de 1984 que je vous lisais tout à l'heure. Il importe de bien voir que la position que défend Orwell dans ce passage n'est pas tout à fait, comme l'a fort justement souligné Rosa, la position classique du rationalisme des Lumières, au terme de laquelle, pour aller vite, la connaissance rend libre. Au sens où, en faisant reculer ignorance, erreur et illusion, elle rend l'individu plus libre, puisqu'une volonté éclairée est plus libre qu'une volonté aveugle. La conception défendue par Orwell est à la fois, comme le dit Rosa, plus modeste et plus radicale, et repose sur les deux thèses suivantes. Thèse 1, ce sont les faits eux-mêmes, la réalité, et non les hommes, individus ou sociétés, qui décident si un énoncé est vrai ou faux. la vérité échappe à tout pouvoir humain. Thèse 2. En conséquence, celui qui reconnaît une vérité échappe par là même à l'emprise de tous ceux qui voudraient dominer son esprit et acquérir un pouvoir sur lui. N'ayant pas barre sur la vérité, ils n'ont pas barre non plus sur lui en tant qu'il reconnaît justement la vérité en question. C'est le sens profond de la fameuse déclaration attribuée à Galilée, et pourtant elle tourne. Ainsi entendu, la thèse 1 ne présuppose aucune théorie philosophique déterminée de la vérité. Elle ne fait qu'expliciter ce que nous entendons par « vrai » dans les usages les plus ordinaires de ce mot et que capture intuitivement la fameuse formule de Tarski, la phrase « la neige est blanche » entre guillemets est vraie, si et seulement si la neige est blanche. C'est là un trait du concept commun de vérité. Quiconque veut proposer une théorie philosophique de la vérité doit en tenir compte et en rendre compte. Autrement dit, le concept commun de vérité, concept qu'il n'est au pouvoir d'aucune doctrine philosophique naturellement de changer, implique qu'il y a des faits dont l'existence ne dépend aucunement de nous, de ce que nous les connaissons ou non, de ce que nous en disons ou non, et de ce que nous faisons ou non. Et qu'il y a des vérités objectives concernant ces faits qui ne dépendent pas non plus de nous, de ce que nous les affirmons ou les nions, de ce que nous les croyons ou non. Nous pouvons nous tromper sur ce qui est vrai ou faux, ou tromper les autres, mais personne ne peut faire que ce qui est vrai soit faux, ou que ce qui est faux soit vrai. On peut peut-être, c'est le cauchemar de 1984, concevoir des conditions psychologiques telles que je finisse par croire vrai quelque chose dont tout me montre que c'est faux, mais personne ne peut faire que j'ai raison de croire vrai ce qui est faux. O'Brien, le philosophe bourreau, peut bien faire que Winston croit sincèrement qu'il y a 5 doigts levés quand il n'en lève que 4, mais O'Brien ne peut pas faire qu'il y ait 5 doigts levés quand il n'en lève que 4. Et il ne peut pas faire non plus que Winston ait raison de croire cela. C'est au fond ce qu'exprime aussi, même si cela reste teinté chez elle, comme je l'ai dit, d'un platonisme certain, la pitié Arendt, non seulement lorsqu'elle termine vérité et politique par cette phrase, conceptuellement, nous pouvons appeler la vérité ce que l'on ne peut pas changer. Métaphoriquement, elle est le sol sur lequel nous nous tenons et le ciel qui s'étend au-dessus de nous. Mais aussi, et peut-être plus encore, lorsqu'elle rappelle cette impossibilité pour l'historien ou le raconteur d'histoire, et à quel point cela eût été, comme elle le martèle, inexcusable, de procéder au complet effacement des lignes de démarcation entre le fait d'un côté, l'opinion et l'interprétation ou le récit fictionnel de l'autre. Je la cite, « Même si nous admettons, écrit-elle, que chaque génération ait le droit d'écrire sa propre histoire, nous refusons d'admettre qu'elle ait le droit de remanier les faits en harmonie avec sa perspective propre. Nous n'admettons pas le droit de porter atteinte à la matière factuelle elle-même. » Pour illustrer ce point, et nous excuser de ne pas pousser la question plus loin, durant les années 20, Clémenceau, peu avant sa mort, se trouvait engagé dans une conversation amicale avec un représentant de la République de Weimar au sujet des responsabilités quant au déclenchement de la Première Guerre mondiale. On demanda à Clémenceau, « À votre avis, qu'est-ce que les historiens futurs penseront de ce problème embarrassant et controversé ?» Il répondit, « Ça, je n'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne diront pas que la Belgique a envahi l'Allemagne. » Nous nous occupons ici de données élémentaires brutales de ce genre, commente Arendt, dont n'oublions pas que l'occasion de l'essai « Truth and Politics » fut la polémique suscitée par la publication de son « Eichmann à Jérusalem », dont le caractère inattaquable a été admis même par les partisans les plus convaincus et les plus sophistiqués de l'historicisme. Fin de citation. Ce faisant, Orwell et Arendt, chacun à leur manière, font écho, n'est-ce pas, à cette difficulté que rappelait Bernard Williams dès les premières pages de son beau livre « Vérité et véracité » et que nous constatons nous-mêmes chaque jour, à savoir la présence de ces deux courants de pensée qui se détachent très nettement dans la réflexion et la culture moderne. D'une part, dit Williams, on y trouve un attachement intense à la véracité, ou à tout le moins une attitude de défiance généralisée, un souci de ne pas se laisser abuser, une détermination à crever les apparences pour atteindre les constructions et les motivations réelles qui se cachent derrière elles. De tradition en politique, cette attitude s'étend à la lecture de l'histoire, aux sciences sociales, et même à l'interprétation des découvertes et de la recherche dans les sciences physiques. Cependant, à côté de cette exigence de véracité, ou pour le dire de façon moins positive, de ce réflexe de refus d'être dupe, il existe une défiance aussi généralisée à l'égard de la vérité elle-même. Existe-t-elle ? Si oui, pourrait-elle être autre que relative ou subjective ou quelque chose du même genre ? Faut-il s'en préoccuper si peu que ce soit quand on exerce ses activités ou quand on en rend compte ? Ces deux attitudes, l'attachement à la vérité et la suspicion à l'égard de la notion de vérité, sont liées l'une à l'autre. Le désir de véracité induit un processus critique qui fragilise l'assurance qu'il y aurait une vérité sûre ou qui se puisse affirmer sans réserve. Le soupçon pourra, par exemple, se porter sur l'histoire. Des récits qui avaient été présentés comme exprimant la vérité du passé se révèlent souvent tendancieux, idéologiques ou apologétiques. Mais les tentatives faites pour remplacer ces distorsions par la vérité peuvent à leur tour se heurter au même genre d'objections. Dès lors, la question se pose de savoir si un quelconque discours historique peut se donner comme projet d'être tout simplement vrai, si la vérité objective ou une vérité quelconque peuvent être à bon droit ou, comme on le dit naturellement vraiment, considérées comme le but des enquêtes qu'on mène sur le passé. Des raisonnements analogues, sinon tout à fait identiques, ont été tenus dans d'autres domaines. Mais s'il est vrai que la vérité ne puisse être le but de nos recherches, alors il est certainement plus honnête et plus conforme à la véracité de cesser de faire comme si elle l'était et d'accepter que, suite alors une description de notre situation qui fait l'économie de l'idée de vérité, en disant par exemple que nous sommes engagés dans une bataille de mots. Ceci me conduit à une troisième série de questions qu'il nous faudra élucider. Pour l'heure, en revendiquant la nécessité de me situer résolument dans l'espace des raisons, je me suis placée pour aborder cette réflexion sur les liens qui unissent connaissance, vérité et démocratie, sur un plan non pas descriptif, mais vous l'aurez compris, normatif. Je n'ai pas la naïveté de penser que ce soit la seule manière, naturellement, ni même la plus féconde, d'aborder une réflexion de ce genre. Et je connais bien les réserves que certains théoriciens de la démocratie, y compris en ce lieu, peuvent avoir à l'endroit de ce type d'approche. Il semble que l'on peut contourner en tout cas l'objection, en tout cas je vais faire de mon mieux, de plusieurs manières. La première manière de le faire, c'est de rappeler que les théories normatives elles-mêmes, comme j'ai commencé à le rappeler, ont elles-mêmes évolué. Et cela n'est pas seulement vrai des positions de Rawls et d'Habermas, qui ont souhaité être davantage à l'écoute des accusations de formalisme et de juridisme qui avaient pu leur être adressées, ou comme ce fut le cas d'Habermas, répondant à certaines objections importantes que lui avait adressées Putnam, de rester prisonnier d'un modèle trop imposant de rationalité. Ceux d'entre vous qui m'ont fait l'amitié de me suivre savent que je suis aussi, pour ma part, assez réfractaire à ce genre de modèle et que je pense davantage pour un modèle de la rationalité dans lequel on doit accorder aussi, par exemple, une place aux émotions dont Martha Nussbaum a rappelé à quel point et de quelle manière elle pouvait jouer un rôle dans la démocratie. Je l'avais déjà évoqué l'an passé et j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir encore. L'une des questions que nous devons en effet poser, si nous acceptons l'idée que sans être réductible au seul concept de rationalité, la vérité est indissociable d'une certaine forme de rationalisme, c'est celle de savoir quel modèle, évidemment, de rationalité on est prêt à endosser et en particulier quel rôle on est prêt à accorder non seulement à la raison, mais dans l'espace des raisons, aux différentes sortes des raisons elles-mêmes, lesquelles peuvent être non seulement théoriques, mais aussi pratique. Une deuxième manière de contourner l'obstacle, si j'ose dire, du reproche de formalisme ou d'abstraction, c'est aussi de se tourner du côté des récents développements que connaissent les théories contemporaines de la démocratie elle-même, et leur essor considérable, notamment, mais pas seulement, autour de ce que l'on appelle le courant très diversifié lui-même de la démocratie délibérative, apparu au milieu des années 80. Comme j'espère le montrer, sur nombre de ces aspects, le philosophe de la connaissance, attentif aux questions de justification et de légitimité, mais aussi aux raisons, aux liens qui existent entre croyance, vérité et assertion, ou encore à la détermination de ce en quoi consiste, à proprement parler, une délibération, comme acte de langage, a, j'espère, en tout cas j'espère pouvoir le montrer, un dialogue très important et fructueux à mener avec les théoriciens contemporains de la démocratie. Mais il y a une troisième manière, enfin, de contourner le reproche de formalisme, c'est de montrer que selon le modèle que l'on adopte de la connaissance elle-même, on n'est pas du tout enfermé dans un tel formalisme. Comme vous le savez, non seulement j'ai toujours insisté sur les liens étroits qu'il convient de faire entre les formes pratiques et théoriques ou propositionnelles du savoir, et j'ai dit aussi mes préférences pour un modèle de la connaissance qui conçu fondamentalement comme une enquête dans laquelle doivent pouvoir prendre toute leur place non seulement l'échange socratique sous forme de questions-réponses, mais aussi une analyse des conditions de possibilité, tant du doute réel que de la connaissance, et enfin, bien entendu, la place des leçons que nous pouvons tirer de l'expérience, qu'elles soient empiriques ou informées par les sciences, si nous voulons pouvoir dégager ce que, pour sa part, Williams appelle les vertus de vérité, et plus généralement les principes d'une authentique éthique intellectuelle. Réfléchir aux liens entre connaissance, vérité et démocratie, c'est bien sûr aussi m'employer à montrer que le modèle de connaissance que je revendique a peut-être de meilleures chances qu'un autre de s'inscrire, comme nous devons l'appeler de nos voeux, dans l'espace des raisons démocratiques. Cela me conduit bien sûr aussi à m'interroger sur une quatrième série de questions, celles qui ont trait à la conception du rôle que nous nous faisons et de la place que nous sommes prêts à vouloir accorder à la connaissance en démocratie. Parmi ces questions, bien sûr, il y a celle de savoir si nous devons maintenir intact l'héritage des Lumières, lequel va souvent de pair non seulement avec l'affirmation de l'universalisme, mais peut-être aussi parfois, ce qu'on lui reproche, avec une conception trop élitiste de la démocratie, qui ferait la part trop belle à la seule expertise au détriment du jugement de l'homme ordinaire. J'ai bien conscience, ce faisant, de la naïveté ou de l'incongruité que peut avoir un tel projet dans la situation historique qui est la nôtre. Comme le rappelle Julien Binda dans « La grande épreuve des démocraties », dédiée à la mémoire de ses maîtres Kant et Renouvier, rédigée en 1942, même époque qu'Anna Arendt, les principes qui vont de pair avec la démocratie, je le cite, sont essentiellement adaptés à l'état de paix. Et il ajoutait « Il est clair que le respect des droits de l'individu, de sa recherche du bonheur, la faculté pour lui de critiquer ses chefs, de les contrôler, de les révoquer, le vœu d'une justice absolue, indifférente aux circonstances, l'octroi d'une primauté à certaines activités de luxe, ne sont compatibles qu'avec la paix. » Fin de citation. D'où ce trait à ajouter aux caractéristiques de la démocratie. La paix étant le milieu où peut fleurir ce qu'elle tient pour valeur morale, est elle-même une valeur morale, par opposition à d'autres systèmes pour qui la forme noble et civilisée de l'existence est au contraire la guerre. Inutile de faire remarquer si cette conception inflige à la démocratie une infériorité au cas où il lui faut soutenir une guerre contre un État qui adopte l'autre. Et si c'est une épreuve qu'il lui faut surmonter, d'abandonner alors momentanément ses principes. Fin de citation, page 56. Sans doute est-ce parce qu'il parlait dans un état de guerre que Binda insistait tant sur la seule possibilité alors pour répondre à la menace de renoncer jusqu'à un certain point à toute tentative visant à justifier la légitimité des principes eux-mêmes de la démocratie et à se placer du point de vue de ce qu'il n'hésite pas à appeler une perspective idéaliste, voire mystique de la démocratie. Attitude qui le conduit notamment à rappeler, je cite, que dans l'ordre spirituel, la caractéristique de la démocratie est de tenir pour souveraine certaines valeurs absolues, c'est-à-dire comme indépendantes de toute condition de temps ou de lieu, est supérieur à tout intérêt, individuel ou collectif. Valeurs dont les types principaux sont la justice, la vérité et la raison. Fin de citation. Ce qui ne l'empêchait pas, dans le même temps, de se livrer à une analyse très précise et dont les enseignements continuent, à mon sens, d'être infiniment précieux, des principales menaces qui pèsent sur la démocratie et de proposer des remèdes tout à fait judicieux pour s'en protéger. Il est donc incontestablement des moments où on peut avoir l'impression que la question de la justification des principes en politique et en démocratie a quelque chose de naïf, voire de déplacé ou même d'indécent. Et qu'elle doit en effet, comme je l'évoquais à la suite de Lynch, peut-être s'effacer lorsque nous sommes en état d'urgence. Par quoi l'on pourrait être tenté de conclure que s'il est parfaitement légitime, voire nécessaire, de s'interroger sur la légitimité des démocraties, bref, d'avoir une réflexion sur la démocratie parfaitement adaptée pour les temps de paix, il serait parfaitement inutile et incongru de proposer ce genre de réflexion et de justification, a fortiori, en temps de guerre. Et qu'il vaudrait donc mieux s'employer à dégager les axes d'une réflexion plus historique, plus descriptive, au risque de l'idéologie, mais mieux adaptée pour une démocratie par gros temps. Pourtant, ce n'est pas tout à fait ce que nous dit Julien Bada, qui écrit, donc, je le rappelle, en 1942, c'est même tout le contraire, puisqu'il soutient la nécessité d'une conception, comme il le dit, idéaliste de la démocratie, à ses yeux, la seule qui vaille. Or, n'est-ce pas précisément ce dont nous faisons actuellement et cruellement l'expérience? Sans doute, savoir manier un crayon ne permet-il pas d'arrêter une Kalachnikov? Et la seule manière de combattre, c'est comme le préconise du reste Bada, de ne pas sombrer dans l'angélisme et d'armer le bras de nos démocraties pour les défendre. Mais nous le savons aussi, l'histoire nous l'a suffisamment enseigné, si l'on est parvenu à vaincre véritablement et donc sur la durée l'ennemi, c'est toujours aussi parce que certains se sont levés avec pour seule arme un crayon ou un bout de papier. C'est pourquoi les dictateurs savent bien que les premiers verrous passent par la manipulation et le cadenassage de l'opinion. Et ce pourquoi le comble du réalisme, comme le savait du reste si bien Platon, c'est peut-être bien en effet l'idéalisme. Celui qui consiste à croire, fût-ce parfois avec l'énergie que donne le désespoir, que le moyen le plus efficace de lutter contre le règne du fort, eh bien, c'est en définitive de tabler sur la force monumentale que nous ont toujours donné les idées. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 1er mars 2017 la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, la démocratie ou l'espace des raisons, deuxième partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Elle a notamment publié « Le ciment des choses », petit traité de métaphysique scientifique réaliste aux éditions Ithac en 2011, et son ouvrage « Le doute en question », publié pour la première fois en 2005, a reparu en 2016, augmenté d'une postface. Je rappelle aussi sa leçon inaugurale publiée chez Fayard en 2011 sous le titre « La connaissance métaphysique ». Un grand merci aux équipes de la documentation de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin autour de la notion décriée de vérité. Elle s'interrogera sur ce que n'est pas la vérité justement. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.